Boy. J'achète voiture pour l'option. J'achète voiture pour l'option. Je me permets, c'est moi le boss. Finance baraque à ma daronne, 18 balais déjà bas. Je vois rien, je compare, je mode pas. J'avance tout droit, j'ai pas tort. J'encaisse calabre de gauche à droite, aucune arnaque dans les sports. Je reviens, je mets les gens d'accord. Jamais bouqué à vos bords. J'accepte que les vrais bonhommes, aucune pétasse monte à bord. Force à ceux qui pensent qu'on dort. Chaque album, je deviens plus fort. Chacun son job, j'appelle Bécane qui vient Rafa, lui ton corps. Hargneux dès que j'ai connu le bloc. Jamais chier dans mon froid. Fonce dès le soir, j'parle au club. Qui me dit on fait qui tu veux. Descends bizarre étant petit, chasse à l'homme et sauf qui peut. Elle miskina toutes les perquises entre ville, si mec en bleu. Tire-toi précis comme tu peux. J'ai du liquide, j'connais ceux qui vont te manger si tu fautes. Qui vont te monter dans les yeux. J'rentre le concert, c'était le spell. L'œuf du poker dans les yeux. J'fais pas semblant, j'suis mieux qu'eux. Si tu le sais pas, vérifie. Si t'es bizarre, la sortie. Si t'es éteint par les Schmitt. Moi j'suis très loin, j'suis l'artiste. Cri Arthena, c'est Gaspi. Si tu le sais pas, vérifie. Si t'es bizarre, la sortie.